Tu m'entends, Giorgio? Giorgio? Ah merde, c'est tu m'entends? Je suis en train d'essayer une guitare, mais elle se désaccorde. Je vais faire trois accords de merde. Je les guitares.